tout de suite, eh bien, vous avez rendez-vous avec l'équipe de La Méthode Scientifique et en particulier avec vous, Nicolas Martin. Bonjour. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange et comme tous les mardis, nous partons pour l'espace. Le premier petit nom que les astrophysiciens avaient trouvé, c'est LGM pour Little Green Man, petit homme vert, et pour cause. Comment interpréter a priori un signal aussi ponctuel et aussi implacablement régulier venant des fins fonds de l'espace? Mais très vite, LGM a été abandonné pour PSR, contraction de Pulsating Star, Pulsar, des étoiles à neutrons hyper compactes qui diffusent avec une fréquence d'une précision totalement inégalée dans l'univers connu, un faisceau directionnel de radiations électromagnétiques, bref, les rouages d'une horlogerie cosmique. Pulsar, la grande horlogerie cosmique, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans La Méthode Scientifique. Et pour essayer de mieux comprendre cette mécanique suisse interstellaire, nos grands horlogers du jour sont Kumiko Kotera. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être venu si tôt après un heureux événement. Encore une fois, merci d'être autour de cette table. Vous êtes docteur en astrophysique, chargé de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et bonjour Mathieu Denoroy. Bonjour. Et vous êtes directeur de recherche au laboratoire Le Prince Ringuet sur les expériences S et CTA, dont vous nous toucherez quelques mots. Et vous pouvez nous suivre en direct, comme chaque jour, sur Twitter, en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, peut-être, on peut commencer par un petit peu d'histoire des sciences. Est-ce que vous pourriez nous raconter ces débuts tourmentés de la découverte du premier pulsar? On est en 1967, et cette découverte a reçu le sobriquet fâcheux de prix Nobel, en deux mots pour Nobel, puisque c'est Jocelyn Benn et Anthony Jewish qui ont découvert ça, et ça, et vous vous renvoyez la balle. Allez, Mathieu Denoroy. Oui, alors je ne connais pas très précisément l'histoire de cette découverte, mais c'était le point qui était vraiment très important, c'est que c'était une découverte fortuite, complètement accidentelle. Jocelyn Benn cherchait des signaux radio interstellaires, mais pas de cette nature-là, et est tombé sur un signal périodique avec une période d'une seconde, avec une régularité absolument incroyable, qui a donné ensuite lieu à toute la physique qu'on a étudiée les dizaines d'années après. Et le côté Nobel, je pense que ça vient aussi du fait que cette pauvre Jocelyn Bell, qui était l'étudiante en thèse de Huish, n'a pas été vraiment reconnue tout de suite pour cette découverte. En fait, c'est lui qui a un peu endossé toute la... C'est ça. C'est lui qui a obtenu le prix Nobel alors que c'était son directeur de thèse. Oui, Mathieu Denoroy. Et juste après, les années suivantes, 1968, deux pulsars emblématiques ont été détectés, le pulsar du Crabbe et le pulsar de Vela. Mm-hmm. Et très rapidement, de nombreux pulsars ont été détectés pour arriver à plusieurs milliers à l'heure actuelle. Mm. Alors on va parler de tout ça, de ces différents pulsars. On va voir qu'on dit les pulsars en règle générale, mais qu'il y a des formes de pulsars très très différents. Juste un mot pareil, alors c'est évidemment tout de suite un peu anecdotique, mais je le disais en introduction, ce sigle LGM pour Little Green Man, on sait qu'en matière de cosmologie, hein, l'hypothèse extraterrestre doit toujours être la dernière à être envisagée, mais ça a été déstabilisant de trouver un signal aussi régulier, naturel, avec cette fréquence et cette précision qu'on ne connaissait pas dans l'écoute du cosmos, Mathieu Denoroy. Bien sûr, mais en même temps, un signal parfaitement régulier n'a aucune raison d'être un signal extraterrestre, puisqu'il ne porte aucune information. Donc c'est un signal qui a de fortes chances d'être lié à un système mécanique, quel qu'il soit, qui se répète indéfiniment, mais qui ne transmet aucune information à l'extérieur. Comment est-ce qu'on aboutit de la perception de ce signal à envisager la nature exacte des pulsars, qu'on va découvrir finalement relativement vite, c'est-à-dire une étoile à neutrons à rotation très rapide? En fait, il me semble que la théorie des pulsars, des étoiles à neutrons, avait déjà été mise en place bien avant. Ça avait été stipulé dans les années 1930. Mmh. Ouais. Mmh. Et on ne savait pas si ça existait vraiment. Donc, comme souvent. En physique, la découverte de ces objets vient valider une théorie existante. Mmh. Mathieu Noir. Oui, en fait, il y a deux physiciens qui ont été extraordinaires, qui s'appelaient Ball et Zwicky, qui ont postulé l'existence de supernova en 1934 comme étant la fin de l'évolution des étoiles avec un résidu qui serait une étoile à neutrons qui serait vraiment le stade ultime de l'évolution stellaire. Et ces supernovas ont été détectées juste après. Et elles ont aussi curieusement donné naissance à la cosmologie moderne puisqu'elles ont permis, maintenant elles servent à mesurer les distances dans l'univers. Donc c'est une prédiction de 1934 qui a mis une vingtaine d'années à se réaliser. Alors on a une chance particulière, vous avez parlé à l'instant Mathieu de Noroy du pulsar du crabe qui a été identifié effectivement assez rapidement. Or ce pulsar du crabe, ce qui a été très utile, c'est qu'il correspond à un autre objet astrophysique qui était documenté depuis extrêmement longtemps, depuis même des millénaires. Vous pouvez nous raconter, c'est une supernova qui est certainement la plus célèbre de l'histoire de l'astrophysique. Oui, donc c'est une supernova qui a explosé en 1054 et qui a été observée en particulier par les astronomes chinois et il me semble aussi arabes. Mm-hmm. Donc qui est documentée dans l'histoire comme une étoile qui est apparue soudainement et qui ensuite s'est éteinte progressivement. Alors il y en a plusieurs des supernovas historiques, il y en a une petite dizaine de ce type-là. Donc celle-ci c'est 1054, donc elle a à peu près 1000 ans maintenant. Un mot sur peut-être le fait qu'une fois ce pulsar, le pulsar en tant que tel nomenclaturé, alors je ne sais pas si le mot nomenclaturé est tout à fait correct, mais en tout cas une fois qu'il a été identifié tel quel, vous l'avez dit, il y a eu une sorte de ruée astrophysique vers les pulsars d'un seul coup, on découvrait un nouvel objet interstellaire et du coup tous les télescopes, tous les astrophysiciens ont cherché à en trouver plus, ça a été une course assez rapide, assez vite couronnée de succès, Kumiko Kotera. Dans les années, en fait, il n'y a pas eu que cette course d'ailleurs en radio. En fait, rapidement, toutes les longueurs d'onde, enfin tous les télescopes des autres longueurs d'onde se sont intéressés à ces objets. Et du coup, on a commencé à voir ces objets non seulement donc en radio, mais aussi bientôt en X. Et puis. Puis plus tard, on en parlera tout à l'heure, en gamma. En gamma, c'était les différentes fréquences sur lesquelles ces pulsars peuvent émettre. Alors on va revenir sur la manière de les détecter tout à l'heure, mais on va quand même essayer de comprendre un peu ce que c'est, d'où ça vient, et puis comment on a compris ce qu'étaient exactement ces étoiles à neutrons. Comment est-ce qu'on passe de l'état étoile à l'état pulsar ? C'est quoi l'histoire de l'évolution, Mathieu de Noroy ? Alors en fait, on peut voir une étoile un peu comme une boule très chaude dans laquelle se produisent des réactions nucléaires, donc qui produisent de l'énergie. Et l'étoile est une sphère de gaz qui est en équilibre avec deux forces contradictoires. Vous avez d'un côté la gravité qui va avoir tendance à faire s'effondrer l'étoile sur elle-même, et de l'autre, toute l'énergie libérée par des réactions nucléaires qui va générer de la pression et qui va avoir tendance à exploser l'étoile au contraire. Et pendant toute la vie normale de l'étoile, on a cet équilibre qui se maintient, et donc l'étoile est une sphère en équilibre. Et au moment où l'étoile a terminé de consommer son carburant nucléaire, alors il y a plusieurs étapes. Au départ, une étoile fabrique de l'hélium à partir d'hydrogène, ensuite elle va fabriquer du carbone, de l'oxygène, de l'azote, et ensuite, en fonction de la masse de l'étoile, on peut aller jusqu'au fer. Mais quelle que soit la masse de cette étoile, il arrive un moment où les réactions nucléaires vont s'arrêter. Et au moment où les réactions nucléaires s'arrêtent, eh bien, il n'y a plus de production d'énergie permettant de contrebalancer la gravité. Alors la gravité l'emporte et l'étoile va s'effondrer sur elle-même. Ce faisant, toute la matière des couches extérieures de l'étoile va tomber sur l'étoile, sur le centre de l'étoile, qui va être un astre extrêmement dur. Et les couches externes vont rebondir un peu comme sur un mur, être ensuite projetées dans l'espace, ce qui va donner lieu au phénomène de supernova. Mais le résidu ultime, les cendres, si vous voulez, de l'étoile, c'est un objet qui va être extrêmement compact, parce qu'il n'y a plus du tout de pression de nature thermodynamique pour la soutenir, extrêmement dense, et donc qui va être dans le stade ultime une étoile à neutrons. Alors, dans le stade ultime, une étoile à neutrons, ou autre scénario, un trou noir. Et quelle est la différence ? Qu'est-ce qui fait qu'une étoile s'effondre et créer un trou noir ou une étoile à neutrons, puisque c'est les deux scénarios pour le moment que l'on connaît, Kumiko Kotera. Donc en fait, ça va dépendre de la masse de l'étoile initiale. Et en fonction de cette masse, on va avoir soit la gravité qui va dominer et qui va provoquer un effondrement total du cœur de l'étoile, et du coup on va avoir la formation d'un trou noir, ou bien on va s'arrêter avant, et à ce moment-là on va pouvoir créer une étoile à neutrons. Quelle est la limite en fait? C'est-à-dire que plus l'étoile, c'est vraiment strictement une question de taille, c'est-à-dire que plus l'étoile est grosse, plus l'étoile s'effondre en trou noir, et c'est des étoiles de taille plus intermédiaire qui créent les étoiles de neutrons, ou c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. Ça s'appelle la masse de Chandrasekhar, voilà, en fait. Donc, c'est vers ça que je voulais vous amener. Ou Mathieu Denoura sur cette masse de Chandrasekhar. Alors en fait, on a parlé jusqu'à présent de pression de nature thermodynamique, la pression d'un gaz chaud. Mais dans la matière, il existe d'autres formes de pression, et en particulier une pression qui est de nature quantique. C'est-à-dire que vous avez l'étoile, elle va être formée essentiellement de protons et puis d'électrons qui sont en orbite. Et ces électrons, ce sont des particules qu'on appelle des fermions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre deux particules dans le même état. Et si on essaye de comprimer cette matière indéfiniment, on arrive à un moment à avoir une pression de nature quantique, comme si ces électrons se repoussaient les uns les autres. Mmh. Et si la masse de l'étoile n'est pas trop élevée, cette pression est suffisante pour contrebalancer la gravité. Par contre, si la masse de l'étoile est trop élevée, à ce moment-là, même cette pression de nature quantique ne suffit plus. Et l'ensemble des neutrons et des protons et des électrons vont fusionner pour donner lieu à des neutrons. La pression de Fermi, donc cette pression de nature quantique des électrons, va disparaître et l'effondrement va pouvoir continuer. Mmh. Et dans un stade ultime, on pourrait aller jusqu'à un stade de trou noir, quand même cette pression de nature quantique qui existe aussi au niveau des neutrons ne peut plus supporter l'étoile. Et on va voir plus tard qu'il peut y avoir encore des passages entre ces étoiles à neutrons et ces trous noirs, mais ça c'est pour plus tard. On va continuer à parler donc de ces étoiles à neutrons. Est-ce qu'on peut essayer de définir ce qu'il reste de l'étoile originelle dans cette étoile à neutrons? Comment est-ce qu'on pourrait le dire, Kumiko Kotera? Ce qui reste de l'étoile originelle, c'est-à-dire le cœur de l'étoile. Bah en fait, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que une fois que l'enveloppe externe a été expulsée, on va vraiment se retrouver avec des éléments qui étaient au cœur de l'étoile, c'est-à-dire des éléments très lourds, par exemple du fer. C'est des milieux qui sont assez rares dans l'univers, puisqu'ils sont riches en fer, alors que la majorité de l'univers est peuplée de protons, en fait, et d'hélium, ou d'éléments légers. Ou d'hydrogène. Donc, du coup, en fait, c'est ça, une étoile à neutrons, par rapport au... Alors, c'est toujours difficile de parler en taille de manière un peu générale, mais en tout cas, ces étoiles à neutrons sont donc extrêmement denses, extrêmement compactes et extrêmement petites à l'échelle cosmologique, même minuscule. C'est un grain de sable à l'échelle cosmologique, Mathieu de Noroy. Oui, typiquement, on peut imaginer que vous mettez la masse du Soleil à peu près dans la taille de Paris, un peu plus grand, une vingtaine de kilomètres à peu près. Donc, c'est une matière qui est d'une densité extrême. Pour prendre une autre image, vous avez le poids de la Terre dans un objet qui va faire 150 mètres, une pyramide, un grand monument. Et vous tassez la Terre intégralement dans ce petit volume. Donc on a un objet qui, à l'échelle astrophysique, est extrêmement petit, vraiment minuscule et extrêmement dense. Et ça fait 10 kilomètres de diamètre, donc, ou de rayon. Donc c'est vraiment, à proprement parler, ce sont les étoiles les plus petites que l'on connaisse. Alors ça c'est pour la nature de cette étoile à neutrons. Maintenant, puisque on parle des pulsars, on va se poser la question de cette pulsation. Pourquoi est-ce que la rotation de cette étoile qui va créer, on va le voir tout à l'heure, les radiations électromagnétiques dont on va reparler, pourquoi est-ce qu'elle se met à tourner très très très très très vite? Quel est le phénomène d'accélération qui se produit, Mathieu de Noroy? Là, l'image la plus simple qu'on peut prendre, c'est celle d'un patineur. Si vous avez fait du patin à glace ou observé il y a très longtemps, c'était pas très joli à voir. Si vous êtes allé voir un gala de patinage, un patineur va d'abord étendre ses bras, et puis ensuite, quand il veut tourner plus vite, va les rapprocher du corps. Et ce faisant, sa vitesse de rotation va augmenter. C'est-à-dire, en termes mécaniques, on parle de conservation du moment cinétique, c'est-à-dire la quantité totale de rotation est conservée. Mais comme l'étoile passe d'un diamètre de 1 million de kilomètres à un diamètre de 3 kilomètres, elle se comprime énormément, et ce faisant, elle tourne de plus en plus vite. Est-ce qu'il y a une vitesse type de rotation d'un pulsar, ou est-ce qu'on trouve des pulsars avec des vitesses de rotation très diverses, Kumiko Kotera? Il y a beaucoup de diversité, justement, en fonction de l'âge du pulsar, par exemple. Souvent, on dit que les pulsars jeunes tournent très vite sur eux-mêmes. Ça va être de l'ordre de fractions de secondes à quelques... Leur vie peut commencer à quelques... fraction de seconde, puis très rapidement, elles vont décélérer, et souvent, on les observe tourner, en train de tourner, on va dire, des pulsations de, je sais pas, une centaine de secondes, ou même plus, voilà, pour des pulsars jeunes. Après, les pulsars beaucoup plus vieux vont tourner, avec des pulsations de l'ordre de minutes. Il y a une perte d'énergie cinétique, donc on revient à ce que vous disiez à l'instant, petit à petit. Après, Et il y a une autre catégorie de pulsars, dont j'imagine on va parler, qui sont les pulsars recyclés, qui sont en fait des pulsars très vieux, qui ont été donc recyclés et qui tournent très vite maintenant. Donc ils ont commencé leur vie comme tout pulsar, ils ont décéléré, et puis en fait ils se trouvent qu'ils étaient dans un système binaire, donc avec un compagnon, et ils ont commencé à avaler leur compagnon, et en fait en avalant, en accrétant la matière de leur compagnon, ils réussissent en fait à tourner de plus en plus vite, toujours par cette histoire de conservation de moment cinétique. Et du coup, ils se retrouvent avec des pulsations de l'ordre de la milliseconde. Donc ceux-là, c'est vraiment ce qu'on observe avec des pulsations les plus rapides. On va voir que tout l'histoire de tout pulsar, l'histoire inexorable n'est pas de ralentir jusqu'à s'arrêter peut-être, et encore, on n'en sait rien. Mais avant d'en venir là, on va parler, puisque ça s'appelle pulsar, de cette fameuse pulsation électromagnétique extrêmement régulière, avec une question finalement assez simple. On va le voir, on l'a entendu, le pulsar émet de façon directionnelle. Pourquoi est-ce que le pulsar émet de façon directionnelle ? Pourquoi est-ce que le pulsar n'émet pas finalement de tous les côtés ? Comme un soleil rayonne, une étoile rayonne de tous les côtés. Alors le point clé probablement est l'existence d'un champ magnétique. Dans un pulsar, comme dans toutes les étoiles et même dans la Terre, donc dans certaines planètes, on a un champ magnétique qui est produit par de la convection à l'intérieur, des masses chaudes à l'intérieur. Et comme sur la Terre, le champ magnétique n'est pas forcément aligné avec l'axe de rotation de l'étoile. Sur la Terre, il est légèrement décalé. On a le pôle nord géomagnétique et le pôle nord géographique, qui sont différents l'un de l'autre. Au moment où l'étoile s'effondre sur elle-même, le champ magnétique va être augmenté également très fortement, comme l'inverse du carré du rayon, exactement comme la vitesse de rotation, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le flux du champ magnétique va être conservé, et donc le champ magnétique de surface va être considérablement augmenté à mesure de l'implosion de l'étoile. Et donc on se retrouve finalement à avoir un système avec un champ magnétique qui va tourner autour, dont la direction va tourner autour de l'axe de rotation du pulsar, va tourner très rapidement, on a parlé de quelques millisecondes ou quelques dizaines de millisecondes, et ça crée un phénomène qu'on peut qualifier de dynamo en quelque sorte. Donc l'émission qu'on va voir au travers du spectre électromagnétique sera plus ou moins alignée le long de ce champ magnétique, avec éventuellement un cône d'une certaine ouverture, mais ce faisceau va balayer l'espace. Et si la Terre si l'observateur, donc en l'occurrence la Terre, intercepte ce faisceau, eh bien on va le voir à chaque fois que le faisceau passe dans l'axe de la Terre, et donc on va le voir à chaque tour. Pour donner une idée de l'extrême régularité de cette pulsation électromagnétique, on dit qu'un pulsar pulse de façon encore plus précise que ne pourrait le faire la moindre de nos horloges atomiques terrestres. On est à quel type d'ordre de grandeur, si vous avez quelques chiffres en tête, Mathieu de Noroy? Je peux vous le donner, par exemple, pour le pulsar du crabe, qui est un pulsar qui tourne 33 fois par seconde sur lui-même. Sa période varie, on mesure la décélération, et elle varie de 4·10⁻⁷ secondes par an. C'est-à-dire qu'en fait, par seconde, excusez-moi. C'est-à-dire que la période de rotation de ce pulsar varie de 10 microsecondes en une année entière. Donc c'est une fraction qui est de sa période, mais qui est très très faible. On va entendre légèrement en dessous, alors non pas le pulsar du Vela, puisque ce ne sont évidemment pas des ondes audibles, mais en tout cas un travail fait par Gérard Griset qui transpose justement des émissions de ce pulsar Vela dans une pièce musicale qui s'appelle Le Noir de l'Étoile. On en avait parlé ici même autour de la table avec Jean-Philippe Usan à l'occasion de la sortie de son livre L'Harmonie Secrète de l'Univers. On va vous remettre évidemment le lien vers l'émission sur le fil Twitter. Vers le podcast, voilà, c'est le podcast que je cherchais sur le fil Twitter de l'émission. On parle aujourd'hui de pulsar comme d'une horlogerie céleste, parce que ce sont grâce à ces pulsars et grâce justement à leur régularité qu'on peut positionner un certain nombre d'objets. Je pense à la plaque Pionnier par exemple, où on centre la Terre en fonction de 14 pulsars autour. Mathieu de Noroy ? Il n'y a pas deux pulsars qui aient exactement la même période. Donc finalement, on peut obtenir, c'est quasiment un code génétique, on peut obtenir la position d'un objet dans l'espace en le référençant par rapport à différents pulsars. Et ça permet donc de façon non ambiguë d'identifier, de localiser un objet. Kumihiko Terra, je me retourne vers vous parce que cette pulsation électromagnétique, pour essayer de bien la comprendre également, en dehors juste des questions de directionnelles liées au champ magnétique, c'est en fait des accélérateurs de particules extrêmement puissants. Oui, tout à fait. En fait, on peut visualiser ces pulsars comme des espèces d'aimants qui tournent et ils vont pouvoir faire en fait un système un peu comme dans vos cuisines, les plaques à induction. Mmh. Donc ils vont pouvoir générer de l'énergie grâce à cet aimant qui va tourner très très vite sur lui-même. Et de cette façon, on va pouvoir construire un accélérateur dans lequel on va injecter des particules chargées et ces particules chargées vont être accélérées éventuellement à des énergies colossales. Mmh. Donc c'est une idée qui avait été développée par certains théoriciens, mais ces accélérateurs de particules c'est eux qui font qu'on a de l'émission de très haute énergie dans les pulsars et qu'on observe aujourd'hui, mais aussi on peut aller peut-être à des énergies colossales de l'ordre de 10 millions de fois ce qu'on obtient au LHC, au CERN, bien sûr, au grand collisionneur de Hadron. Voilà. Et générer ce qu'on appelle donc des rayons cosmiques de ultra haute énergie. Qui est votre spécialité. Et on en parlera tout à l'heure. Peut-être un mot, Mathieu de Noroy, sur ces accélérateurs de particules naturelles. Quelles sont les particules qui émettent les pulsars, en fait? C'est difficile de répondre vraiment à cette question parce qu'on n'y est pas. Alors, il y a essentiellement deux grandes catégories de modèles. On peut avoir des modèles dans lesquels on a des électrons qui vont être accélérés, qu'on va appeler des modèles leptoniques. Et puis, on peut avoir des modèles qu'on va appeler hadroniques, dans lesquels on a des protons, des noyaux divers qui pourraient être accélérés. Comme on est dans un environnement avec un champ électromagnétique très intense, il est naturel de créer des électrons et des positrons à partir du vide lui-même. C'est-à-dire que le champ magnétique et les photons peuvent générer ces particules-là spontanément, par paire, évidemment, et donc accélérer naturellement des électrons et des positrons. Si on parle de rayons cosmiques hadroniques, il va falloir les extraire de quelque part, et vraisemblablement de la surface de l'étoile à neutrons. Kumihiko Terra. C'est justement donc ces paires électrons-positrons qui probablement génèrent donc des rayons gamma qu'on observe, par exemple avec l'expérience S. Que dirige Mathieu de Noroy, et dont on reparlera tout à l'heure. Mais donc ce qui est très intéressant donc pour la composante rayon cosmique dont je pense on reparlera, c'est que comme Mathieu vient de le dire, on va extraire des particules probablement de la surface de l'étoile, et du coup on va pouvoir extraire des particules chargées lourdes comme du fer, et ça c'est très intéressant parce que aux ultra haute énergie aujourd'hui on a l'impression que la composition qu'on observe de ces rayons cosmiques de ultra haute énergie est essentiellement lourde, du fer. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est déjà 16h25, nous parlons des pulsars tout au long de cette heure en compagnie de Kumihiko Terra, qui est docteur en astrophysique, chargé de recherche au CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, et Mathieu de Noroy, qui est directeur de recherche au laboratoire Le Prince Ringuet. Alors, depuis 1967 et la découverte du premier pulsar, les équipements se sont évidemment perfectionnés. En 1967, c'était à l'aide du radiotélescope de Cambridge. On va entendre un reportage, donc on va pas faire le reportage avant le reportage, mais expliquez-nous justement par quels moyens ont été perçus les premiers pulsars, celui de Cambridge, mais aussi le pulsar du crabe, le pulsar de Vela, Mathieu de Noroy. Comment est-ce qu'on les détectait? Comment est-ce qu'on les entendait à l'époque? Il me semble que c'est essentiellement à travers des télescopes radio, qui sont des grandes antennes, dans lesquelles on va enregistrer le rayonnement électromagnétique. Et en regardant l'évolution de ce signal au cours du temps, tracé sur une feuille de papier, Jocelyn Bell a observé ce signal périodique avec une période de 1,2 secondes. mais c'est juste une transcription finalement sur papier d'un rayonnement qui est enregistré par un télescope radio. Par un signal radio. Or, évidemment, les technologies ont largement évolué parmi les unités qui travaillent aujourd'hui sur la recherche et l'analyse des pulsars, il y a le laboratoire astroparticules et cosmologie de l'université Paris Diderot. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, l'une des difficultés, on l'aura compris, hein, de la détection des pulsars, c'est que leur émission est directionnelle. Alors comment faire pour essayer de détecter les pulsars dont le rayonnement ne balaye pas la Terre? Eh bien, c'est ce que vous allez être chercher à comprendre, Céline. Oui, tout à fait. Alors, pour augmenter notre visibilité des pulsars, on traque les rayons cosmiques qui proviennent de l'espace et qui peuvent nous donner des indices. Alors, pour ça, on déploie des moyens terrestres avec le télescope S2 et dans l'espace avec des satellites comme le satellite Fermi. Moi, je suis allée voir Arake Janati Atai, il est chercheur CNRS, il a travaillé au S2 en Namibie, et il m'a expliqué tout le processus de détection et d'analyse sur le cas du pulsar Vela, qui avait été détecté la première fois en 2014. Pour les pulsars, nous, quand on reçoit un signal gamma des pulsars, donc c'est un signal périodique. Donc quand on regarde sur 360 degrés de rotation d'un pulsar, il n'y a que à deux endroits typiquement, ou des fois un seul endroit où le pulsar est en train d'émettre. C'est au moment où le faisceau en fait balaye la Terre. Et donc là, c'est une photo donc, du site de S en Namibie, qui est dans l'hémisphère sud. Le plus gros et le plus récent, depuis 2012, il fait 28 mètres de diamètre. Et maintenant, ceux qu'on appelle petits, qui étaient grands il y a quelques années, font 12 mètres de diamètre. Alors pourquoi est-ce que c'est grand ? Dans le processus de détection, donc les rayons gamma, quand ils déposent leur énergie dans l'atmosphère, en vertu, en gros, de la loi E égale MC2 que tout le monde connaît, il y a des particules qui prennent l'énergie du gamma initial, donc ça c'est des électrons et des positons, qui sont du coup extrêmement énergiques et qui vont plus vite que la lumière dans l'atmosphère. Alors le fait que les particules aillent plus vite que la lumière produit une lumière bleutée, qu'on appelle la lumière Tcherenkov, du nom du physicien russe qui avait découvert ça. Cette lumière bleutée et dont l'UV est susceptible d'être réfléchie par des miroirs. Donc nos télescopes sont finalement des télescopes qui renvoient la lumière, cette lumière bleue. Et la quantité de lumière, elle est faible, mais elle est quand même proportionnelle à l'énergie du gamma initial. Et donc, on détecte cette lumière Tcherenkov avec nos réflecteurs, et par la mesure de la quantité qu'on a captée, en comparant avec des modèles numériques par ailleurs, on reproduit toute l'expérience, ce qui nous permet de faire ensuite une reconnaissance de forme. Et donc, à partir de là, on commence à analyser les données. Donc, on lit les bandes, on fait la calibration du télescope et on nettoie un petit peu, parce que là, ce que vous voyez ici, c'est une image en fait nettoyée déjà. Deuxième étape, on va faire une reconnaissance de forme à l'aide des modèles numériques et essayer de distinguer entre les images qui proviennent des rayons gamma et les images qui viennent des myriades de rayons cosmiques. Alors je vais vous montrer ici, c'est l'entrée dans l'atmosphère du rayon gamma. Au sol, donc un télescope pour le moment, l'entrée dans l'atmosphère du rayon gamma, la cascade atmosphérique ou la gerbe atmosphérique avec les myriades de particules, le flash de lumière Tcherenkov qui dure que quelques nanosecondes, un cône de lumière bleue qui va donc tomber au sol et donc le télescope va intercepter une partie de cette lumière-là. Et quand on regarde au foyer, dans la caméra, en fait, l'image de la gerbe se retrouve être une sorte d'ellipsoïde. Après, je vous montre ici l'axe en fait de cette ellipse nous permet d'avoir une idée de la direction du rayon gamma. Et quand on met plusieurs télescopes, quand on intercepte la lumière Tcherenkov avec plusieurs télescopes, les directions donc de la gerbe vue par différents télescopes se recoupent et donc on remonte à la direction donc du rayon gamma. Donc une fois qu'on a la direction, on a aussi de l'énergie puisque comme je vous disais, la lumière Tcherenkov elle est proportionnelle à l'énergie du gamma. Donc une fois que vous avez la direction et l'énergie, vous faites de l'astronomie avec ça. Et les radioastronomes donc nous donnent des éphémérides, c'est-à-dire des tables finalement ou des formules qui nous disent à chaque instant précisément quelle est la rotation, quelle est la position en fait du pulsar dans sa rotation. Donc en utilisant ces éphémérides, on arrive à finalement calculer pour chaque événement sa phase, c'est-à-dire à quel moment dans la rotation du pulsar cet événement aurait été émis. On cumule tous les événements dans un phasogramme formé de ce type-là, donc qui va de 0 à 360 degrés. Et s'il y a une émission, en fait, il y a un excès à quelques phases, à une ou deux phases d'événements. Ou on peut le dire autrement, c'est au moment où les photons sont partis du pulsar. Donc là, la détection est terminée. Alors on peut faire aussi le spectre en énergie de ce qu'on aura détecté. Alors si je vous montre donc les pulsations de Vela, donc ça c'est le phasogramme obtenu avec le satellite Fermi au-delà de 10 gigaélectronvolts. Vous voyez un pic assez fort, un deuxième pic et ce qu'on appelle un pont entre les deux pics. Et ici, en fait, donc ça c'est 0, 180 degrés, 360 degrés. Donc dans toute cette zone-là, il n'y a pas d'émission. C'est bien pour ça que c'est pulsé. Et il s'agit de comprendre l'évolution en fait du phasogramme en fonction de l'énergie. Ça, ça nous permet de contraindre en fait les mécanismes d'accélération des particules près des pulsars et de, d'émission des rayons gamma. Donc en fait, on compare les phasogrammes du télescope au sol, donc S, et le satellite Fermi. Voilà. Et après, on peut même faire, par exemple, ce que je vous montre ici, on a subdivisé les données de S en deux bandes d'énergie différentes et on a étudié la variation, la forme de la pulsation en fonction de l'énergie. Bon, là, ça serait trop long de rentrer dans les détails, mais on montre que, par exemple, le front ici de retombée de la pulsation est très très raide quand on va à très haute énergie. Donc il y a des phénomènes ici qui se passent qu'on ne connaissait pas auparavant et qu'il s'agit d'expliquer. L'étape d'après S, ça va être le projet CTA. Et donc là, il s'agit d'avoir quelques dizaines de télescopes sur chaque site. Et donc voilà, c'est l'étape de normalisation d'une branche qui est née ces 20 dernières années, quoi. Voilà comment on cherche à détecter des pulsars dans l'espace. On vous a mis quelques images parce que parfois, évidemment, tout ceci peut paraître un peu abstrait sur le fil Twitter de l'émission. N'hésitez pas à aller le consulter. Hein. Le compte, vous le connaissez maintenant, c'est @laméthodefc. Vous verrez non seulement quelques graphiques, quelques images qui peuvent vous aider à visualiser notamment cette fameuse lumière de Cherenkov dont nous allons reparler dans un instant. Une réaction peut-être, Mathieu Denoroy, Kumiko Kotera, à ce que vous venez d'entendre. Mathieu Denoroy. Je trouvais le reportage très intéressant. Il se trouve que je connais bien Arrache. Et effectivement, ce phénomène d'émission de Cherenkov dans l'atmosphère peut laisser les gens un peu perplexes. On peut finalement le comparer au mur du son. C'est-à-dire que quand vous avez un avion qui circule dans l'air à une vitesse supérieure à la vitesse du son, il émet une onde de choc sonore qu'on appelle le mur du son, qui va se descendre vers le sol et qui peut même éventuellement être destructrice. L'effet de Cherenkov, c'est l'analogue pour la lumière de ce mur du son, parce que l'air est un matériau qui est transparent à la lumière, de la même façon que le verre ou que le plastique, mais dans lequel la lumière est un petit peu ralentie. Alors dans l'eau, c'est 30%, donc c'est quelque chose de tout à fait conséquent. Dans l'air, la lumière est un petit peu ralentie, très très peu, 0,01% à peu près. Mais cela suffit pour permettre à des particules de voyager plus vite que la lumière dans l'air. On ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière dans le vide, mais dans un matériau transparent, c'est possible. Et lorsqu'une particule chargée voyage plus vite que la lumière dans un milieu, eh bien elle va émettre une onde de choc lumineuse, un mur de lumière, comme le mur du son, qui est ce fameux effet Cherenkov. Et donc, il va avoir une forme conique, comme le mur du son. Kumiko Kotera sur ces détections, sur la façon aujourd'hui dont on arrive à détecter justement ces pulsars, ou plus généralement sur ce que vous venez d'entendre dans le reportage. Oui, c'est enfin S, c'est quand même une belle manip, Mathieu. non, voilà. Mais qui va, enfin dont on va, enfin reparler dans quelques minutes. Parce que c'est Mathieu Denoroy qui s'occupe de cette manip. D'accord. Voilà, donc voilà. On en reparlera. Mais Sitié va prendre la suite justement en utilisant des techniques très similaires. Et c'est vraiment impressionnant parce que c'est des longueurs d'onde où on pensait pas. Enfin, au début, on avait quelques photons, et puis aujourd'hui, on a des ciels complets avec des sources, avec des spectres complets qu'on voit, et c'est très beau, ça. Mathieu Denoroy, un mot. Oui, en fait, on parle de lumière, hein, mais c'est une lumière qui n'est pas du tout visible à l'œil, enfin, la lumière de ces photons gamma qui arrivent. Et en quelque sorte, bon, la plupart des gens connaissent évidemment la lumière visible. Les ondes radio sont aussi de la lumière à plus basse énergie. Les rayons X sont aussi de la lumière, mais à plus haute énergie, 1000 fois plus énergétique à peu près que la lumière visible. Ici, nous parlons de téraélectronvolts. Donc, c'est une lumière qui est 1000 milliards de fois plus énergétique que la lumière émise, par exemple, par une lampe ou par le soleil. Kumiko Kotera, Donc là, on s'arrête, ceci dit, au téraélectronvolt. Je voudrais juste préciser aussi que, donc, en particulier, Arash parlait beaucoup de, enfin, a parlé de rayons cosmiques et du fait qu'il fallait se débarrasser de ces rayons cosmiques pour pouvoir identifier les rayons gamma parmi toutes les données qui étaient présentes dans le télescope. En fait, avec les rayons cosmiques, on va pouvoir aller cette fois jusqu'aux états électronvolts. Voilà. Donc, c'est-à-dire, enfin, on observe aujourd'hui des rayons cosmiques jusqu'à plus de 10 puissance 20 électronvolts. 10 puissance 20, 21 électronvolts. Et, ce qui est une énergie considérable. Voilà. Ouais. Ça, c'est vraiment l'extrême, la frontière de l'énergie qu'on voit aujourd'hui. Et on reparlera de ces histoires de rayons cosmiques à très haute énergie parce que c'est passionnant. On pourrait faire une émission entière là-dessus, mais on va continuer à parler un peu des pulsars quand même. Starlight, Star Bright de Nan Cassel à 16h37 sur France Culture. Vous écoutez La Méthode Scientifique. Nous parlons des pulsars, si bien Star Bright dans l'étoile, dans l'espace sont certainement ces étoiles à neutrons qui envoient donc ces signaux électromagnétiques à longue distance. Nous en parlons tout au long de cette heure avec Kumiko Kotera, docteur en astrophysique chargée de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, et Mathieu Denoroy qui est directeur de recherche au laboratoire Le Prince Ringuet. On a parlé des pulsars comme si tous les pulsars étaient les mêmes. Or, les pulsars sont divers, on l'a dit tout à l'heure. Il y a différents types de pulsars et qui nous ont permis d'apprendre différents types de choses. Ceux qui nous ont aidé beaucoup et qui ont aidé beaucoup au début de la découverte des pulsars, ce sont les pulsars binaires, c'est-à-dire des pulsars, puisqu'il faut savoir que notre étoile est une étoile solitaire, mais dans le cosmos, il arrive souvent que les étoiles se forment par deux et donc les étoiles n'évoluent pas à la même vitesse et donc certaines se transforment en étoiles à neutrons avant leur grande ou leur petite sœur. Ça crée des pulsars binaires. Vous pouvez nous en dire un mot, Mathieu Denoroy, de ces pulsars binaires ? Déjà, c'est vrai que les étoiles isolées dans l'univers sont les plus rares. C'est à peu près seulement 30% des étoiles. La majorité des étoiles vivent en système binaire, voire ternaire ou quaternaire dans certains cas. Et donc, effectivement, quand deux étoiles qui se sont formées éventuellement au même moment vont évoluer différemment de par leur masse différente au départ, on peut en avoir une qui s'effondre en pulsar avant l'autre, et on peut également avoir un système dans lequel les deux étoiles se sont toutes les deux transformées en pulsar. Donc là, on va parler proprement dit de pulsar binaire. Quand les deux étoiles se transforment en étoiles à neutrons, en pulsar, on parle de pulsar double à ce moment-là, pulsar si double. Je ne m'abuse. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. L'élément important de ces pulsars doubles, ce qui est intéressant, c'est que de facto, ça a été la première vérification indirecte des ondes gravitationnelles. Mathieu de Noroy ou Kumiko Kotera? Mathieu de Noroy. Je ne me souviens plus exactement de la date, je crois que c'est 1992. Ça doit être ça. Pulsar double. C'est une prédiction de la relativité générale qui est que quand vous avez un système de deux objets en rotation ou un système qui va être non symétrique en rotation, il va déformer l'espace-temps autour de lui pendant la rotation et aboutir à la formation d'ondes gravitationnelles. Alors 2015 a été l'année de la découverte des ondes gravitationnelles dans des systèmes de trous noirs de masse intermédiaire, quelques dizaines de masses solaires. Donc ils vont émettre des rayonnements beaucoup plus intenses qu'un système binaire d'étoiles à neutrons. Mais ce phénomène est vraiment similaire. Donc un système d'un double de pulsars va émettre également des ondes gravitationnelles. Et ce faisant, la vitesse de rotation du système va évoluer au cours du temps et va accélérer progressivement à mesure que les deux pulsars se rapprochent l'un de l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir un pulsar double permet cette mesure, puisque les pulses qui arrivent de l'un ou l'autre des pulsars vont arriver un peu en avance ou un peu en retard à mesure que les deux pulsars tournent l'un autour de l'autre. Et c'est en mesurant ce décalage d'arrivée des pulses de chacun des deux pulsars que l'on peut mesurer précisément la vitesse de rotation de ces deux astres l'un autour de l'autre et montrer qu'ils ralentissent. Et cette première mesure du ralentissement d'un système double s'est avérée être parfaitement compatible, en accord exceptionnel avec les prédictions de la relativité générale, ce qui a donné lieu également à un prix Nobel. Et on vous l'évoquiez tout à l'heure, Kumiko Kotera, la vie normale d'un pulsar, c'est de perdre son énergie cinétique, donc de ralentir, même si ça ralentit très très lentement à l'échelle cosmologique. En revanche, parfois, dans certains systèmes, quand une étoile à neutrons arrive à récupérer de la matière d'une étoile, elle se met à accélérer, on arrive même à des fréquences d'un seul coup qu'on ne retrouve pas dans des pulsars solitaires, ce sont les pulsars millisecondes. Oui. Parfois, donc, on a des systèmes où on a un pulsar accompagné, disons, par exemple, d'une étoile naine, supposons. Et au fur et à mesure que le temps passe, la naine va en fait se retrouver accrétée par le pulsar, et en accrétant donc cette matière, on va donc augmenter de plus en plus la pulsation de ce pulsar, du premier pulsar, et du coup on se retrouve avec des vitesses de rotation vraiment extrêmement rapide de la milliseconde. En fait, une zoologie assez intéressante à ce niveau-là, dans ces pulsars-là, des pulsars qu'on appelle du coup des veuves noires, parce que donc ce sont comme les araignées, les veuves noires, en fait, elles détruisent leurs compagnons et finissent par avaler ces compagnons-là. Et parfois, elles se retrouvent ainsi isolées et tournées toutes seules, avec des périodes de l'ordre de la milliseconde. Et c'est parce qu'en fait, elles étaient à la base dans un système double et qu'elles ont mangé littéralement leur compagnon. Ce qui leur a permis d'accéder à cette vitesse extrême de rotation. Oui, Mathieu de Noroy. Il faut voir que ces vitesses-là sont absolument colossales. Parce que la surface de l'étoile à neutrons en rotation va tourner à une vitesse qui est une fraction de la vitesse de la lumière dans ces cas-là. Et donc, on arrive à des objets qui sont vraiment extrêmes. Et peut-être un mot dans le sens inverse, ces pulsars-là sont extrêmement accélérés. À l'inverse, les pulsars X sont, eux, extrêmement ralentis. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelque chose à propos de ces pulsars X qui sont extrêmement ralentis? Mathieu de Noroy, un petit mot. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout de la détection en rayon X des pulsars. On a évoqué l'évolution d'un pulsar. Les pulsars jeunes vont tourner avec des vitesses de quelques dizaines de millisecondes, et ce pendant peut-être 100 000 ans typiquement. Et ensuite, progressivement, ils vont ralentir. Il me semble qu'à mesure qu'ils ralentissent, on va perdre l'émission à très haute énergie, mais on peut conserver de l'émission en rayon X. Mais je ne suis pas certain de ça. Alors, parlons précisément justement de l'observation des pulsars dans le temps. C'est très compliqué parce qu'à partir du moment où ils commencent à perdre en énergie, que leur rayonnement devient de plus en plus faible, eh bien en fait, ils deviennent indétectables. Qu'est-ce qu'on sait exactement? Est-ce qu'on sait si un pulsar meurt, s'il disparaît? Est-ce qu'on sait ce qui se passe à la fin de la vie d'un pulsar, Kumiko Kotera? Je pense qu'on ne sait pas, en fait. En tout cas, je ne sais pas. Il passe en deçà d'un horizon de détectabilité, et puis Voilà. Et on ne sait pas ce qu'il a dit Mathieu de Noroy, pareil. Non, oui, a priori, le moteur électromagnétique qui est au sein du pulsar et qui le fait se ralentir va ralentir progressivement. Ce qui est vraisemblable, c'est qu'au bout d'un certain temps également, le champ magnétique du pulsar se met à diminuer. Et donc, le pulsar ralentit, donc émet moins d'énergie. Et le champ magnétique baissant, il va encore accentuer cette baisse d'émission. Donc à bout d'un moment, on ne peut juste plus les détecter, mais il est vraisemblable qu'ils continuent à ralentir progressivement, sans forcément s'arrêter, puisque le rythme de ralentissement va ralentir lui-même au cours du temps. Qu'est-ce qu'on sait également, c'est assez intéressant, de la trajectoire galactique des pulsars? Est-ce que ça se déplace de la même façon que le reste des systèmes? Est-ce que ce sont des objets qui se baladent tout seuls? Est-ce qu'ils peuvent, ils restent à l'intérieur des galaxies? Est-ce qu'ils sortent des galaxies, Mathieu de Noroy? En général, les pulsars, ils naissent dans une explosion d'étoiles, donc dans une explosion de supernova. Et fréquemment, ces explosions sont asymétriques. Et du coup, le pulsar peut être éjecté avec une vitesse élevée, de l'ordre de quelques milliers de kilomètres par seconde. Donc, il va ensuite se promener, enfin partir, sortir de l'environnement dans lequel il est né, éventuellement sortir du plan galactique. Mais pour aller où, jusqu'où, ça c'est difficile à dire, parce que sa durée de vie à l'échelle cosmologique n'est pas très élevée. Donc on les observe quand même globalement aux alentours du plan galactique, mais un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu plus dispersé. Est-ce que on l'évoquait tout à l'heure, puisque il y a deux grands scénarios pour les étoiles d'une certaine masse, c'est-à-dire l'effondrement en étoiles à neutrons d'un côté, l'effondrement en trou noir de l'autre. Est-ce que un pulsar peut à un moment donné, pour une quelconque raison, pas après avoir accrété suffisamment de matière, regagner encore en gravité en son centre et s'effondrer en trou noir? Oui, tout à fait. Dans un système binaire, l'étoile à neutrons, si elle est en dessous de la masse de Chandrasekhar, est stable. Et à mesure qu'elle accrète de la matière de son compagnon, elle peut dépasser cette masse et générer donc une nouvelle explosion de supernova de type 1A, qui sont utilisées en cosmologie pour mesurer les distances, puisque c'est un mécanisme qui est, on le pense, bien compris, avec une luminosité qui va être la même dans tous les systèmes, puisque c'est juste une question de dépasser un seuil, dépasser une certaine masse pour ensuite... Masse critique. Voilà, masse critique pour ensuite poursuivre l'effondrement. On va terminer, il nous reste une petite dizaine de minutes à parler de ce sujet qui vous intéresse au plus haut point et parler... justement de votre manip S, entre autres Mathieu de Noroy, mais j'aimerais m'adresser à vous avant Kumiko Kotera, puisque sur ces rayons cosmiques à haute énergie qu'on a abordé de façon un peu superficielle tout à l'heure, en fait on a du mal exactement, vous avez publié une étude avec vos confrères qui tend à prouver que le spectre en énergie et la composition des particules échappées de tout jeune pulsar serait finalement un très bon candidat pour correspondre aux rayons cosmiques à ultra haute énergie. Ça veut dire que on aurait peut-être la clé enfin de comprendre ce que sont ces rayons cosmiques dont pour le moment, encore une fois, on ne sait pas exactement d'où ils proviennent. Oui. Alors déjà pour situer, donc les rayons cosmiques, ce sont des particules chargées, des noyaux atomiques comme qui nous forment, vous et moi, et qui pleuvent sur la Terre depuis le cosmos. Continuellement. Et certaines de ces particules nous arrivent avec des énergies colossales, je l'ai dit tout à l'heure, donc de l'ordre de 10 puissance 20, 21 électron-volts, donc 10 millions de fois ce qu'on pourrait obtenir avec le LHC au CERN. Et typiquement, si on voulait utiliser les moyens terrestres pour accélérer des particules à ces énergies, il faudrait construire un accélérateur de la taille de notre galaxie. Donc c'est vraiment beaucoup. Immense. Et donc la question c'est d'où viennent ces particules et quels sont les accélérateurs dans l'univers qui pourraient les produire. Qu'est-ce qui les propulse à cette vitesse-là? Voilà. Et quel est le mécanisme qui pourrait faire ça? Une théorie sur laquelle on a travaillé avec nos collègues, c'est assez amusant parce que du coup on s'est dit peut-être les pulsars, les plus petites étoiles de l'univers, produiraient en fait les particules les plus énergétiques de l'univers. Et on ferait ça via par exemple un mécanisme d'induction, comme je disais tout à l'heure. Sachant que le pulsar c'est cette espèce d'aimant qui tourne extrêmement vite, on va créer un champ électrique avec ce phénomène d'induction, balancer des particules chargées à l'intérieur, ces particules chargées qu'on arracherait à la surface de l'étoile, on les accélérerait aux plus hautes énergies, enfin à des énergies de l'ordre de 10 puissance 20 électronvolts. Et en fait, dans des pulsars très jeunes qui tourneraient à des vitesses, à des pulsations de l'ordre de la milliseconde, on atteindrait ces énergies-là. Mmh. Et vous, alors je rebondis là-dessus, puisque vous parlez de pulsations de l'ordre de la milliseconde, est-ce que ça veut dire qu'on est nécessairement dans des pulsars très jeunes, ou est-ce qu'on pourrait être précisément dans ces pulsars millisecondes qui sont créés par accrétion ? Malheureusement, les pulsars millisecondes, en fait, qu'on voit, qui sont créés par accrétion, ont des champs magnétiques assez faibles, puisque leur champ magnétique a été affaibli au cours de leur vie, comme c'est des objets à la base anciens. Et du coup, leur champ magnétique n'est pas suffisant pour pouvoir faire de l'induction à hauteur de l'énergie qu'on voudrait produire. Donc il faudrait des pulsars vraiment très jeunes qui tourneraient à la milliseconde. Mais c'est assez plausible, en fait, que ces objets-là existent. Un mot, peut-être, quand on dit des pulsars vraiment très jeunes, c'est-à-dire que à l'échelle cosmologique, on est, par rapport à la supernova, au moment de la création du pulsar, on se situe dans quelle unité temporelle ? Quelques années. Quelques années. Donc c'est vraiment à la naissance. À la naissance, ouais, à la naissance de l'étoile. Et c'est pour ça qu'à ces échelles de temps-là, il est très probable que le pulsar puisse tourner, par exemple, le pulsar du crabe. Il y a des théories qui disent que à la naissance, il a peut-être tourné à 5 millisecondes de pulsation. Donc ça, ce serait un bon candidat pour l'accélération de rayons cosmiques aux ultra-hautes énergies. J'aurais une petite question pour Kumiko. Attention, dialogue entre deux astrophysiciens spécialistes des rayons cosmiques et ultra-énergie. Accrochez-vous. Non, j'aurais juste voulu savoir si ce seraient les pulsars qui seraient dans des galaxies extérieures à la Voie lactée, dans ce cas-là. Oui, tout à fait, parce que si on avait un pulsar de cette sorte dans notre galaxie, justement, on le verrait dans le spectre des rayons cosmiques. Oui, parce qu'il ne vivrait que quelques années, en fait, à cette vitesse-là. Oui, oui. Après, il a peut-être vécu et puis il a peut-être laissé une trace, mais c'est quelque chose que, visiblement, on n'observe pas. Donc, c'est un pulsar extragalactique. Oui. On parle de durée de vie très courte pour les pulsars en règle générale. Une durée de vie très courte à l'échelle cosmologique, c'est... C'est quelques milliers d'années. Enfin, les pulsars du crabe à 1000 ans. Et il a déjà perdu pas mal d'énergie. Les pulsars qu'on appelle jeunes sont ceux qui sont typiquement en dessous de 100 000 ans. Parlez-nous maintenant, Mathieu de Nora, puisque c'est aussi votre domaine de recherche. On l'a évoqué tout à l'heure, de cette expérience S que vous dirigez notamment à travers la Namibie. Alors, S est un réseau de 5 télescopes qui sont installés donc en Namibie, à 1800 mètres d'altitude. H2S, référence tout de même, clin d'œil. À Victor S, qui a été le découvreur des rayons cosmiques il y a un peu plus d'un siècle, toujours, en 1912. Absolument. Et donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ces télescopes fonctionnent par effet Cherenkov, c'est-à-dire qu'on va détecter la lumière bleutée qui est émise lorsqu'une cascade de particules se développe dans l'atmosphère. Alors autour de vous, il s'en produit plusieurs milliers chaque seconde. Mais les yeux humains sont incapables de détecter cette lumière parce que d'une part, elle est beaucoup trop ténue et d'autre part, elle est beaucoup trop brève. Elle dure quelques milliardièmes de seconde. Donc on a besoin de très grands télescopes avec des caméras extrêmement rapides pour pouvoir détecter ces flashs lumineux. C'est un domaine qui est relativement jeune, puisqu'il a démarré véritablement la première détection date de 1989, avec l'observatoire Whipple, qui a détecté justement la nébuleuse du crabe, donc la nébuleuse qui entoure le pulsar du crabe. Et S a permis vraiment d'explorer l'univers dans ces énergies-là, avec la détection de plus d'une centaine de sources, une cartographie des régions centrales de la galaxie. Et nous avons pu mettre en évidence une très grande variété finalement d'accélérateurs cosmiques, des accélérateurs qui vont être des restes de supernova, des nébuleuses avant de pulsars, donc qui sont des nébuleuses dans lesquelles on a des particules qui vont être accélérées par les pulsars et qui vont interagir, générer une onde de choc. On peut avoir des interactions de vent d'étoiles massives. Dans l'espace extragalactique, on a l'environnement de trous noirs supermassifs qu'on appelle les noyaux actifs de galaxies. Mm-hmm. Donc on a toute une zoologie, on a découvert un nouveau monde, un nouveau continent en quelque sorte, avec cette expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors encore une fois, vos travaux, Kumiko Kodera, ce sont des travaux candidats pour expliquer l'existence et la puissance, surtout de ces rayons cosmiques d'ultra haute énergie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait plusieurs successions d'accélérateurs ? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas un accélérateur originel, mais que finalement il y ait plusieurs étapes pour finir par arriver à ce niveau du zeta électronvolt pour les rayons cosmiques à haute énergie. Kumiko Kodera. Dans une même source, oui. Enfin, a priori, oui, on va même. Ce serait assez logique qu'il y ait plusieurs sites d'accélération qui, d'ailleurs, pourraient générer des signatures observables dans les spectres qu'on voit soit dans les rayons cosmiques, soit dans l'émission gamma qui est associée. Donc, souvent, lorsqu'il y a des cassures dans les spectres observés, ça pourrait être dû à différents phénomènes d'accélération. Après, je ne sais pas si vous faites référence au fait qu'on accélérerait dans une source, puis dans une autre, puis dans une autre. Ben là, ça me paraît plus hasardeux, plus parce que la densité dans l'univers de ces sources est tellement faible que pour pouvoir accélérer d'abord dans une source, puis dans une autre, Les statistiques jouent contre, on va dire, pour résumer après, ça à grands traits. Oui, après, il peut y avoir une première accélération dans une source originelle, puis quelque chose plus... Enfin, oui, c'est à la sortie d'amas de galaxies, par exemple, ou des choses comme ça, mais... Enfin, pourquoi pas. On parle en particulier parfois de réaccélération à l'intérieur de la galaxie. On pourrait avoir des particules qui sont accélérées dans une source, un reste d'une supernova, une nébuleuse avant de pulsar. Et ensuite, lors de leur propagation dans la galaxie, il y a des ondes électromagnétiques, des ondes qu'on appelle les ondes Alvène, etc. Et l'interaction de ces particules avec ce plasma ionisé, enfin, le plasma est toujours ionisé, peut conduire dans certains cas aussi à une réelle accélération des particules. Mais ça reste relativement marginal par rapport à l'accélération primaire. Mais dans tous les cas, on parle d'accélération, c'est toujours une accélération progressive. C'est-à-dire que la particule ne va jamais passer d'une énergie microscopique à 10 puissance 20 électronvolts en un coup. En général, on envisage des mécanismes par choc, sauf dans certains cas avec de l'induction éventuellement, mais dans beaucoup de théories, donc tout ce qu'on appelle des théories d'accélération par choc, la particule va être accélérée progressivement par de multiples collisions, entre guillemets, et à chaque collision, on va gagner un petit peu d'énergie. Et pour cette raison, on aura des particules qui vont être de moins en moins nombreuses à mesure qu'on va aller de plus en plus haut en énergie. Et un tout dernier mot pour conclure sur un phénomène qui apparaît encore effectivement bien mystérieux. Peut-être pourrez-vous lever en tout cas une partie du mystère, ce qu'on appelle des glitches. Les glitches qu'on pourrait définir comme des sortes de bugs dans des pulsars. Qu'est-ce que c'est qu'un glitch et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Mathieu de Nanroy? On a dit tout à l'heure que les pulsars étaient des horloges cosmiques extrêmement stables. Hyper régulières. Et ça, c'est essentiellement dû à leur inertie, à leur très grande masse. Mais il se trouve qu'on ne connaît pas totalement le contenu d'un pulsar, mais on imagine qu'il y a une croûte solide et qu'en dessous, il y a un fluide de neutrons qui peut éventuellement être super fluide. Et de la même façon qu'un patineur va changer de vitesse de rotation quand il déplace ses bras, on pourrait avoir une réorganisation de la matière à l'intérieur de l'étoile à neutrons entre la partie fluide et la partie solide. Et à ce moment-là, ça se traduit par une variation brutale de la vitesse de rotation. Et il y a des pulsars qui sont spécialistes, entre guillemets, de ça, comme le pulsar de Vela, qui connaissent des variations très brutales de leur période de rotation très fréquemment. Et que la façon d'un pic, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça augmente extrêmement et ça rediminue et ça se restabilise exactement au même niveau qu'avant. Et ensuite, ça continue à décroître progressivement au cours du temps. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Merci beaucoup, Mathieu de Nanroy. Merci beaucoup, Kumiko Kotera, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous parler de ces pulsars, de ces rayons cosmiques de haute énergie et autres zoologies extrêmement complexes et extrêmement riches de cette faune spatiale que nous prenons plaisir à découvrir avec vous et que nos éditeurs peuvent évidemment retrouver, réécouter, podcaster sur notre site, et c'est la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette de Saint-Vulfran, Hugo Bartholomei, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Édouard Rubinstein à la technique et Victor Buton au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure, ce sera après le journal de 18h, aux alentours de 18h20, dans le Grain à Moudre. Hervé Gardette demandera à ses invités si la police de proximité peut prévenir le terrorisme. Dans quelques instants, eh bien, ce sera le deuxième épisode de la série documentaire de la semaine. LSD toujours coordonnée par Perrine Kervran. Cette semaine, sommes-nous libres de nos amis? C'est une série signée par Emmanuel Paul et Christine Robert. Et pour ce qui nous concerne, eh bien, demain, nous évoquerons le fantasme de tout bon transhumaniste qui se respecte, la recherche et les conditions d'une interface cerveau-machine. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.